Chapitre deuxième. Le capitaine Reig fit halte, presque à moitié de l'unique rangée de maisons qui composait Rosemary Lane, et ouvrit la porte de sa demeure avec la clef qu'il avait dans sa poche. Comme ils entraient dans le corridor, une femme aux traits fatigués et portant un bonnet de veuve parut avec un flambeau. « Ma nièce, » dit le capitaine en lui présentant Magdalene, « ma nièce qui est venue visiter York. » Elle se contentera de la chambre qui vous reste à louer. Veuillez donc, je vous prie, considérer cette chambre comme arrêtée par ma nièce, et prenez grand soin d'aérer les draps de lit. Mrs. Reig est-elle là-haut? Fort bien. Vous pouvez me prêter votre flambeau? Cher enfant, le boudoir de Mrs. Reig est au premier. Mrs. Reig est visible. Permettez-moi de vous montrer le chemin. Tandis qu'il passait le premier sur l'escalier, la misérable veuve murmura d'un ton suppliant à l'oreille de Magdalene. « J'espère, miss, que vous me paierez. Votre oncle n'y songe guère. » Le capitaine ouvrit la porte qui faisait face au palier du premier étage et mit ainsi en évidence une personne du sexe féminin, pompeusement attifée d'une robe de satin jaune d'ambre, usée et flétrie. Elle était seule, assise dans un petit fauteuil bas, ayant aux mains de vieux gants crasseux, sur les genoux un vieux volume en lambeaux, et à côté d'elle, un petit bougeoir économique. Cette longue personne se terminait à son extrémité supérieure par une large face blanche, lisse et ronde, une espèce de pleine lune encadrée dans un bonnet à ruban vert et faiblement éclairée par des yeux d'un bleu doux et passé qui envoyaient devant eux, sans trop savoir où, leur regard vague. Quand la porte s'ouvrit, ils ne semblèrent pas se douter que Magdalene fût là. « Mrs. Reig !» cria le capitaine, comme s'il l'avait à la tirer d'un profond sommeil. « Mrs. Reig !» La dame aux yeux bleus passés se leva lentement et déploya une taille qui semblait n'en plus finir. Lorsqu'à la longue elle fut tout à fait debout, sa stature dépassait 6 pieds d'au moins 2 ou 3 pouces. Par une sage dispensation de la Providence, les géants des deux sexes sont créés pour la plupart avec les instincts les plus doux. L'épouse du capitaine, conformément à cette loi, devait en remontrer au mouton le plus pacifique. « Le thé? Serait-ce déjà le thé ?» demanda Mrs. Reig, abaissant un regard soumis sur ce mari dont la tête lui venait à peine aux épaules alors qu'il se dressait sur ses orteils. « Mrs. Vanstone, la cadette, » dit le capitaine, présentant ses dames l'une à l'autre, « votre belle parente qu'un heureux hasard m'a fait rencontrer. » Elle veut bien passer la nuit chez nous. Chez nous, répéta le capitaine, criant de plus belle, comme si la géante était encore endormie, et cela malgré le témoignage des yeux qu'elle tenait grands ouverts. Un sourire vint s'esquisser, bien faiblement, sur ce grand espace vide qui constituait le visage de Mrs. Reig. Oh, dit-elle, évidemment embarrassée. Oh, vraiment? Eh bien, miss, voulez-vous vous asseoir? Je suis bien fâchée. « C'est-à-dire non, je suis ravie, au contraire. » Elle s'arrêta et d'un regard désespéré sembla consulter son mari. « Ravie, cela va de soi !» cria le capitaine. « Ravie, cela va de soi !» redit fièrement la géante au satin jaune d'ambre avec plus de douceur que jamais. « Mrs. Reig n'est pas sourde, » expliqua le capitaine. « Elle est seulement un peu lente. Constitution engourdie, si je puis employer cette expression. » Je ne lui parle à voix si haute, et je vous supplierai de vouloir bien adopter le même ton vis-à-vis d'elle, que pour fournir à ses idées le stimulant dont elles ont besoin. Criez à ses oreilles, et sa pensée obéit au signal. Bornez-vous à lui parler, et tout aussitôt sa pensée s'envole à 100 lieues. Mrs. Reig. Mrs. Reig accusa aussitôt l'efficacité du stimulant. C'est le thé qu'il vous faut? Demanda-t-elle pour la seconde fois. « Redressez votre bonnet, il est de travers !» cria le mari. « Je vous demande 10 000 pardons, » reprit-il, s'adressant de réchef à Magdalene. « Il faut bien l'avouer, mon amour de l'ordre fait de moi un martyr. Toute chose mal rangée, tout défaut de méthode et de régularité me cause l'irritation la plus vive. Mon attention s'en trouve distraite, mon sang-froid bouleversé. Je n'ai de repos que lorsque les choses sont remises à bien. » À ne parler que de l'extérieur, Mrs. Reig est à mon grand regret la femme la plus de travers que j'ai jamais rencontrée. « Plus à droite !» cria le capitaine, lorsque Mrs. Reig, ainsi qu'une enfant bien élevée, offrit à l'inspection de son mari la coiffure qu'elle venait de réviser. L'humble et docile géante se hâta, sur cet ordre, plus à droite, de tirer son bonnet du côté gauche. Magdalene se leva et, l'aidant, remit les choses en état. La face lunaire de Mrs. Reig s'éclaircit alors pour la première fois. Elle jetait des regards d'admiration sur le manteau et le chapeau de Magdalene. « Aimez-vous la toilette, miss ?» lui demanda-t-elle tout à coup à voix basse et sur le ton le plus confidentiel. « Je l'aime, moi, passionnément. »« Montrez sa chambre à Miss Vanstone, » dit le capitaine à qui la maison tout entière semblait appartenir. « La chambre d'amis, la chambre de réserve au troisième, en face. » « Offrez à Miss Vanstone tous les objets de toilette dont elle peut avoir besoin. Elle n'a pas emporté de bagages. Suppléez à ce qui manque et revenez faire le thé. » Mrs. Reig indiqua par un regard d'étonnement placide qu'elle avait à peu près compris ses ordres impérieux. Elle précéda Magdalene hors de la chambre avec un flambeau que le capitaine, toujours attentif, avait pris soin de lui remettre. Dès qu'elles furent seules sur le palier, Mrs. Reig leva le volume tout déchiré qu'elle lisait au moment où Magdalene lui avait été présentée et que ses mains distraites n'avaient pas quitté depuis lors. Se frappant ensuite le front de ce volume avec une lenteur tragique, « Oh, ma pauvre tête !» s'écria la longue dame absorbée en un doux soliloque. « Voilà mon bourdonnement pire que jamais !»« Votre bourdonnement !» répéta Magdalene au comble de la surprise. Mrs. Reig monta l'escalier sans donner la moindre explication, s'arrêta devant une des chambres du second étage et y entra la première. « Nous ne sommes pas au troisième, » dit Magdalene. « Cette chambre n'est certainement pas la mienne. »« Un moment, » suppliait Mrs. Reig. « Avant de monter plus haut, miss, un moment de halte. Ma tête bourdonne plus fort que jamais. Veuillez attendre un instant que j'aille mieux. Appellerai-je ? » demanda Magdalene. « Désirez-vous que notre hôtesse vienne vous soigner ?»« Me soigner ?» répéta Mrs. Reig. « Dieu merci, je n'ai pas besoin que l'on me soigne. Je suis faite à cela. Ce bourdonnement va et vient dans ma tête depuis combien d'années ?» Elle s'arrêta, réfléchit, se perdit dans ses calculs et tout à coup, désespérant d'en sortir, hasarda une question. « Êtes-vous jamais allée à Londres chez le restaurateur d'Arche ?» demanda-t-elle avec l'accent du plus vif intérêt. « Non, » répondit Magdalene, que cette étrange question prenait tout à fait à court. « C'est là que mon bourdonnement a commencé, » dit Mrs. Reig, suivant ce nouvel ordre d'idées avec une attention, une anxiété profonde. « J'étais employée au service dans ces dining rooms de Darch. Je l'étais. Les messieurs arrivaient tous ensemble. Tous ensemble, ils avaient besoin de manger. Tous à la fois commandaient. » Elle se tut, et d'un air accablé, appuya son front sur le vieux volume en lambeaux. Et vous aviez tous ces ordres à garder en votre mémoire. Il fallait vous les rappeler distinctement, suggéra Magdalene, qui voulait lui venir en aide. Et ce sont ces efforts de mémoire qui ont un peu troublé vos idées. Voilà, précisément, voilà, dit Mrs. Reig, qui s'exalta violemment en quelques secondes. Porc bouilli aux légumes et pudding de pois pour le numéro 1. Étuvée de bœuf aux carottes et tarte aux groseilles pour le numéro 2. Tranches de mouton et sans tarder et bien cuites et beaucoup de gras pour le numéro 3. Cabillaud au panais, puis deux côtelettes et bien chaudes et brûlantes. Je vous extermine. Pour le numéro 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carottes et tarte aux groseilles. Pudding de pois et beaucoup de gras, tranches de porc frais, de bœuf, de mouton, toutes bien coupées, et dépêchez-vous. De la bière pour l'un, de l'ale pour l'autre, pain rassis pour ce gentleman, pain frais pour l'autre. Celui-ci aime le fromage, celui-là non. Mathilda, Tilda, Tilda, 50 fois de suite, jusqu'à ce que je ne reconnaisse plus mon propre nom. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tous ensemble, tous à la fois, tous en colère, tous bourdonnant dans ma pauvre tête comme 40 millions de guêpes. Ne le dites pas au capitaine, surtout ne le dites pas au capitaine. » L'infortunée créature ici laissa tomber les débris épars de son vieux volume et se prit la tête à deux mains, fixant sur la porte un regard éperdu de terreur. « Chut, chut !» dit Magdalène. « Le capitaine ne vous a pas entendu. Je sais maintenant ce que vous avez à la tête. Laissez-moi vous la rafraîchir. » Elle trempa une serviette dans l'eau et l'appliqua sur la tête ardente et vide que Mrs. Reig lui livrait avec la docilité d'un enfant malade. « Quelle jolie main vous avez !» disait la pauvre créature, qui se sentait soulagée et avait pris dans ses mains avec admiration celle de la jeune fille. « Comme elle est douce et blanche. Je tâche, moi aussi, d'être distinguée. Je garde toujours mes gants. Mais je n'aurai jamais des mains comme les vôtres. Je suis pourtant bien habillée, n'est-ce pas ? J'aime la toilette, c'est ma consolation. Je suis toujours heureuse quand je passe ma garde-robe en revue. Dites donc, vous ne vous fâcherez pas contre moi. Je voudrais tant essayer votre chapeau. » Magdalène, avec cette compassion qui caractérise la jeunesse, satisfit aussitôt cette fantaisie. La longue dame se souriait à elle-même dans le miroir et s'adressait de petits signes d'amitié, le chapeau perché sur le sommet de sa tête. « Autrefois, disait-elle, j'en avais un tout aussi joli. Seulement il était blanc et non pas noir. Je l'avais mis pour épouser le capitaine. « Où donc l'avez-vous rencontré ? » demanda Magdalène, posant cette question pour se procurer ainsi quelques renseignements de plus sur ce personnage qu'elle connaissait si peu. « Au dining rooms, » dit Mrs. Reig. Il était de tous ces gens à servir le plus affamé, le plus bruyant. Je commettais plus de méprises avec lui tout seul qu'avec tous les autres réunis. Il jurait. Oh, mais il jurait. Quand il cessa de jurer après moi, ce fut pour m'épouser. Bien d'autres que lui voulaient m'avoir. Miséricorde, j'avais à choisir, et pourquoi donc pas ? Quand il vous arrive un peu d'argent sur lequel vous ne comptez pas, si cela ne vous fait point valoir, que sera-ce, je vous prie ? Et quand une fois on est une lady, n'a-t-on pas le droit de choisir ? J'avais eu mon petit héritage, je me trouvais le droit de choisir, et ma foi, je choisis le capitaine. Il était le mieux mis et le plus petit de tous ces gens-là. Il avait soin de moi et de mon argent. Me voici, moi, mais l'argent est parti. Ne posez pas cette serviette sur la table, il n'aime pas cela. Ne dérangez pas ces rasoirs, je vous prie, ou je ne saurai plus que devenir. J'aurai à les retrouver demain matin. Le capitaine, savez-vous, ne se rase pas lui-même. Il m'a fait apprendre et je le rase. Je lui taille aussi les cheveux, je lui fais les ongles. Il est bien difficile pour les ongles, et pour ses pantalons, et pour ses souliers. Et son journal le matin. Et son déjeuner, son lunch, son dîner, son thé. » Frappée d'une réminiscence soudaine, elle s'arrêta, regarda autour d'elle, et remarquant à ses pieds le vieux volume en délabre, joignit les mains par un geste de désespoir. « J'ai perdu la page !» s'écria-t-elle avec découragement. « Merci de moi, que vais-je devenir ? J'ai perdu la page !»« Tranquillisez-vous, » lui dit Magdalène, « je vous aurai bientôt retrouvé l'endroit. » Elle ramassa le livre, et jeta un coup d'œil rapide, et constata que cet objet des inquiétudes de Mrs. Reig était simplement un vieux traité d'art culinaire, renfermant les recettes accoutumées sous la triple rubrique de marais, viande et volaille. En feuilletant le volume, Magdalène arriva bientôt à l'une des pages où se pressaient de petites taches d'humidité à moitié séchées. « Chose curieuse, disait-elle, si ceci n'était pas un livre de cuisine, je jurerais qu'il a fait pleurer quelqu'un. Quelqu'un ? Répéta Mrs. Reig. Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. Mille remerciements, voilà certes bien l'endroit. Hélas, ce n'est pas la première fois qu'il me fait pleurer. Et vous pleureriez aussi, vous, s'il vous fallait tirer de là les dîners du capitaine. À peine je m'assois pour étudier ce livre, que j'ai tout aussitôt le bourdonnement dans ma tête. Y a-t-il donc des gens qui comprennent ces choses ? Parfois il me semble que je les tiens, et puis tout s'en va, je ne sais comment. Parfois j'imagine que tout est parti, et tout me revient pêle-mêle. Voyez plutôt, voici ce qu'il a commandé pour son déjeuner de demain. Omelette aux herbes. Battez 2 œufs avec un peu d'eau ou du lait, du sel, du poivre, de la ciboulette et du persil. Hachez menu. Là, voyez un peu, hachez menu. Comment hacherais-je menu ce mélange de choses déjà liquides ? Mettez dans la poêle un morceau de beurre de la grosseur du pouce. Regardez votre pouce et regardez le mien. De quelle grosseur veut parler le livre ? Faites bouillir mes nombres unir. Mais si ce n'est brun, de quelle couleur faut-il que ce soit ? Le livre ne le dit pas. Il suppose que je le sais et je l'ignore. Versez l'omelette. Bon, cela je puis le faire. Laissez-la s'étendre. Relevez-la par les bords. Quand elle est cuite, retournez-la pour la doubler. Oh ! Si vous saviez combien de fois je l'ai tournée et redoublée dans ma tête toute la soirée avant que vous ne vinssiez. Empêchez-la de durcir. Posez le plat sur la poêle et retournez. Que dois-je retourner au nom de Dieu ? Prenez encore la serviette mouillée et dites-le-moi, est-ce le plat ou bien la poêle ? D'abord le plat sur la poêle, dit Magdalène, puis la poêle sur le plat. Voilà, je pense, ce qu'on a voulu dire. « Merci mille fois, » dit Mrs. Reig. « Il faut que je me le mette bien dans la tête. Veuillez me le répéter. » Magdalène satisfit à ce vœu naïf. « Puis la poêle sur le plat, » répéta Mrs. Reig avec un nouvel élan d'énergique bon vouloir. « Je le tiens à présent. Oh, tant et tant d'omelettes qui me cuisent à la fois dans la tête et toutes manquées, que je vous ai d'obligation. Vous m'avez complètement remise. » Je suis seulement un peu fatigué d'avoir tant parlé. Puis la poêle sur le plat, la poêle sur le plat. On dirait un refrain de chanson, n'est-il pas vrai ? Sa voix faiblissait peu à peu, et ses paupières engourdies allaient se fermer. Au même instant, la porte s'ouvrit au-dessous, et la basse sonore du capitaine monta dans la cage de l'escalier, avec ce stimulant qu'il appliquait d'ordinaire aux facultés de sa femme. « Mrs. Reig ! » cria-t-il. « Mrs. Reig ! » À ce terrible appel, la pauvre femme se dressa sur ses pieds. « Oh » disait-elle avec une agitation folle. « Que m'avait-il ordonné de faire ? Des masses de choses, sans nul doute, et voilà que j'ai tout oublié. »« Eh bien, quand il vous le demandera, dites que c'est fait, » suggéra Magdalène. « C'était des soins à moi relatifs et dont je puis fort bien me passer. Je me souviens de tout ce qui est nécessaire. Ma chambre est au troisième, la porte en face. » « Descendez et dites que je ne tarderai pas. » Elle prit le flambeau et poussa Mrs. Reig sur le palier. « Dites que je ne tarderai pas. » lui recommanda-t-elle de nouveau tout bas. Puis elle monta seule au troisième étage. La chambre était petite, mal aérée et pauvrement garnie. Au jour d'autrefois, Miss Garth aurait hésité à loger dans un pareil cabinet le moindre domestique de Combraven. Mais ce taudis était tranquille. Il procurait à Magdalène quelques minutes de solitude, et à ce titre, il ne lui était pas seulement supportable, il lui plaisait. Elle s'y enferma, et par cette première impulsion de toute femme installée pour la première fois dans une chambre quelconque, elle alla tout droit se placer devant une petite table boiteuse qui supportait un petit miroir verdâtre. Elle y demeura un moment, et se détournant ensuite avec une lassitude méprisante, « Qu'importe si je suis pâle ou non, » pensait-elle. « Franck ne me verra pas. Que m'importe à présent ?» Elle déposa son manteau, son chapeau, et s'assit pour se recueillir quelques instants. Mais les événements de la journée l'avaient mise à bout. Les souvenirs du passé, quand elle essaya de les rappeler, ne servaient qu'à la faire souffrir. L'avenir, quand elle essaya de le sonder, ne lui offrait qu'un vide peuplé de ténèbres. Elle se releva, et debout près de la croisée sans rideau, elle se tenait, regardant au dehors, comme si, dans la nuit désolée, elle trouvait quelque sympathie pour sa propre désolation. « Nora, » se disait-elle avec émotion, « je me demande si Nora pense à moi. Que ne puis-je me résigner comme elle ? Que ne puis-je oublier ce que nous devons à Michel Vanstone ?» Son visage, devenu plus sombre, exprima une pensée vengeresse, et sans bruit, elle parcourait de long à large sa petite cage. « Oh non ! Tant que cette dette ne sera point payée. » Ses pensées se reportaient ensuite vers Franck. Encore en mer, le pauvre garçon, de plus en plus loin de moi, naviguant tout le jour et toute la nuit. Oh, mon Franck, aime-moi toujours. Ses yeux se remplissaient de larmes, qu'elle refoula bravement. Puis elle marcha vers la porte, et tandis qu'elle l'ouvrait, se mit à rire avec la gaieté que donne le désespoir. Toute société vaut mieux que mes pensées, s'écria-t-elle en quittant la chambre. « J'oublie ma parenté de fraîche date, ma tante à moitié folle et le drôle qui est mon oncle. » Elle descendit jusqu'au palier du premier étage et demeura là, retenue par une hésitation passagère. « Comment tout cela finira-t-il ? » se demandait-elle. « Où me conduira cette route sur laquelle je marche en aveugle ? Qui le sait et qui s'en soucie ? » Là-dessus, elle poussa la porte. Le capitaine Reig présidait le thé, avec la majesté d'un prince trônant au centre d'un banquet diplomatique. D'un côté de la table était assise Mrs. Reig, guettant le regard de son mari comme l'animal qui attend sa nourriture. De l'autre se trouvait un fauteuil vide, vers lequel le capitaine fit ondoyer sa main persuasive lorsque Magdalen eut franchi le seuil. « Comment trouvez-vous votre chambre ? » demanda-t-il. « J'espère que Mrs. Reig aura su se rendre utile. Prenez-vous du lait, du sucre ? Essayez le pain de la localité. Rendez hommage au beurre d'York. Constatez la fraîcheur des œufs du voisin, tout nouvellement pondus. Je vous offre le peu que j'ai. Le repas d'un pauvre diable, cher enfant, assaisonné par le bon accueil d'un gentleman. Assaisonné avec du sel, du poivre, de la ciboulette et du persil, murmura Mrs. Reig, s'accrochant immédiatement à cette parole qui lui rappelait le livre de cuisine et pour tout le reste de la soirée attelant son cerveau à l'omelette. « Asseyez-vous, où vous devez être !» lui cria le capitaine. « Appuyez à gauche, appuyez encore, c'est cela !»« Pendant que vous étiez là-haut, » dit-il en s'adressant à Magdalene, « mon intelligence n'est pas restée oisive. J'ai envisagé votre position exclusivement en vue de ce qui peut vous être avantageux. Si vous vous décidez demain à profiter des lumières de mon expérience, ces lumières sont absolument à votre service. » « Peut-être, direz-vous, et très naturellement. Mais, capitaine, je ne sais de vous que bien peu de choses, et ce peu-là n'est pas favorable. »« D'accord. Mais à une condition, c'est que vous me permettrez, après le thé, de vous initier complètement à ce que je suis, à ce qu'est ma renommée. Toute fausse honte m'est étrangère. Vous voyez ma femme, ma maison, mon pain, mon beurre et mes œufs très exactement tels qu'ils sont. Pendant que vous y êtes, cher enfant, vous me verrez aussi tel que je suis. » Lorsque le thé fut fini, Mrs. Reig, sur un signal de son mari, se retira dans un coin de la chambre où elle emporta son éternel traité de cuisine. « Haché menu, » murmura-t-elle en passant près de Magdalene. « Voilà une énigme, n'est-il pas vrai ?»« Encore en pantoufles ?» s'écria le capitaine, montrant du doigt les lourds pieds plats de sa femme qui traînait sur le parquet. « C'est le soulier droit !» « Relevez le quartier, Mrs. Reig, relevez le quartier !»« Permettez, » continua-t-il, offrant son bras à Magdalene pour la conduire jusqu'à un mauvais petit sofa couvert en crin. « Vous devez avoir besoin de repos. Après un si long voyage, vous avez réellement besoin de vous reposer. » Il attira son fauteuil vers le sofa et se mit à contempler la jeune fille avec un regard à la fois investigateur et bon, comme si, devenu son médecin, il eût ruminé en lui-même le diagnostic d'une maladie quelconque. « Très agréable, très agréable !» dit le capitaine, quand il eut vu Magdalene confortablement installée sur le sofa. « J'éprouve ce bien-être particulier qu'on ressent au sein de la famille. Reviendrons-nous au sujet que nous devons traiter, ce misérable sujet que fournit ma triste personne. Non, non, pas d'excuses, pas de protestations, je vous en supplie. Laissez de votre côté les formalités inutiles et comptez que du mien, je ne marchanderai pas avec elle. Maintenant, abordons les faits. Abordons les faits, je vous en prie. Qui suis-je et que suis-je ? Reportez-vous à la conversation que nous avons eue sur les murailles de cette ville intéressante et partons encore une fois du point de vue où vous vous étiez placé. Je suis un drôle et à ce titre, ainsi que je vous l'ai déjà fait observer, l'homme le plus utile que vous ayez pu rencontrer. Remarquez bien, maintenant, il y a des drôles de plus d'une catégorie. Je vais vous dire pour commencer celle à laquelle j'appartiens, je suis un escroc. Son impudence si absolue avait quelque chose de surhumain. Pas la moindre trace de rougeur n'était venue animer le jaune monochrome de son teint. Un sourire aussi agréable que de coutume marquait ses lèvres flexibles. Ses yeux mi-partis clignaient du côté de Magdalene avec cette expression de franchise heureuse d'elle-même qui, en général, est l'apanage de l'innocence. Sa femme l'avait-elle entendu ? Magdalene regarda par-dessus l'épaule du capitaine, vers l'angle où, derrière lui, Mrs. Raig était assise. Mais non. Absorbée dans son étude, cette cuisinière novice travaillait assidûment à s'instruire. Son omelette imaginaire en était à ce point critique où le beurre doit tomber dans la poêle. Ce morceau de beurre de dimension vague auquel devait servir de mesure le premier pouce venu. Mrs. Raig demeurait plongée dans la contemplation d'un de ses pouces et secouait la tête en le regardant, comme si elle y eût trouvé quelque chose à dire. « Ne vous troublez pas, continua le capitaine, et ne soyez pas autrement surprise. Escroc n'est qu'un mot de deux syllabes. E-S-S-C-R-O-C, croc, escroc. Définition. Un agriculteur moral, un homme qui laboure le champ de la sympathie humaine. Je suis cet agriculteur, ce laboureur. Les médiocrités, dominées par l'étroitesse de leurs idées et jalousant les succès que j'obtiens dans ma profession, se plaisent à m'intituler escroc. Et après ? Ces mêmes esprits médiocres attaquent de même, dans d'autres métiers, les hommes qui leur sont supérieurs. Ils traitent de barbouilleurs les grands écrivains. Ils appellent bouchers les grands généraux, et ainsi de suite. Tout cela dépend du point de vue où l'on se place. Le vôtre adopté, je me déclare escroc à haute et intelligible voix. À votre tour maintenant d'adopter le mien. Écoutez ce que j'ai à dire en ma faveur sur la manière dont j'exerce. Dois-je continuer à m'expliquer avec la même franchise ? Oui, dit Magdalene, et je vous apprendrai ensuite, tout aussi franchement, ce que j'en pense. Le capitaine éclaircit sa voix par une légère toux. Il assemblait mentalement toute son armée de mots, cavalerie, infanterie et réserve. Puis, il se mit à la tête et engagea l'action, voulant enlever par une charge simultanée les fortifications morales de l'ordre social. « Songez-y, commença-t-il. Me voici, pauvre et besogneuse créature. À merveille. Sans compliquer la question en recherchant par quelle voie j'en suis venu là, je demanderai simplement si l'assistance à fournir aux malheureux est ou n'est pas au nombre des devoirs que doit s'imposer une communauté chrétienne. Si vous répondez que non, vous me scandalisez et tout finit là. Si au contraire vous dites oui, je prendrai la liberté de vous demander pourquoi je serai blâmable en déterminant une communauté chrétienne à faire son devoir. Vous voudrez peut-être savoir, à votre tour, si l'homme prévoyant qui a mis de l'argent de côté doit se regarder comme obligé d'en faire profiter l'homme imprévoyant qui n'a rien économisé. Très certainement, c'est son devoir. Et par quel motif, s'il vous plaît ? Mais, juste ciel, par ce seul motif qu'il a, cet argent ? Sur toute la surface du globe, l'homme qui n'a rien tire quelque chose de l'homme qui possède, tantôt sous un prétexte, tantôt sous l'autre, et 9 fois sur 10, le prétexte ne vaut rien. Et quoi ? Vos poches sont pleines, les miennes sont vides, et vous refusez de m'aider, misérable avare ? Pensez-vous donc que je vous permettrai de violer en ma personne les lois sacrées de la charité ? Je ne le souffrirai pas. Entendez-moi bien, je ne le souffrirai pas. Tels sont mes principes d'agriculture morale. Comment ? Des principes qui admettent la fraude ? Parfaitement. Suis-je donc à blâmer si le champ des sympathies humaines ne peut être cultivé par d'autres procédés ? Consultez mes confrères les agriculteurs, ceux qui font valoir une ferme. Obtiennent-ils donc, sur simple requête, la moisson qui remplira leur grenier ? Non. Ils ont à circonvenir l'avare nature, exactement comme je circonviens l'homme sordide. Il leur faut labourer, semer, sarcler, drainer le fond, assécher la superficie, bref, se livrer à leurs opérations si compliquées. Et pourquoi donc viendrait-on me gêner, moi, lorsque j'entreprends la vaste tâche de drainer le sous-sol de l'humanité ? De quel droit me persécuterait-on quand je me donne tous les soins imaginables pour exciter les plus nobles sentiments de notre vulgaire nature ? Infamie ! Je ne sais pas d'autre mot pour caractériser cette manière d'agir. Infamie ! Si je n'avais pas confiance en l'avenir, je désespérerais de l'humanité. Mais l'avenir a toute ma confiance, oui. Un de ces jours, quand j'aurai disparu à jamais, les idées venant à s'élargir et la lumière à progresser, on reconnaîtra les mérites abstraits de cette profession que l'on flétrit aujourd'hui du nom d'escroquerie. Ce jour venu, que l'on ne m'arrache point à ma tombe, qu'on ne m'accorde point les vains honneurs des funérailles publiques, qu'on n'abuse pas de ce que je serai sans voix et sans défense pour m'insulter par quelque statue érigée au nom de la nation, non. Qu'on rende simplement justice à ma pierre funéraire. En y gravant cette magistrale épitaphe, ici repose Reig, embaumé par la tardive reconnaissance du genre humain. Il laboura, sema, récolta ses contemporains. Une postérité sortie des ténèbres le félicite sur l'excellence constante de ses moissons. Il s'arrêta, non faute de confiance ni faute de mots, mais tout simplement faute de respiration. Je vous ai parlé en toute franchise et j'ai donné carrière à mon humeur enjouée, dit-il en souriant. Je ne vous ai point scandalisé, n'est-il pas vrai? Quelque lassitude et quelque abattement qu'elle éprouva, soupçonnant les autres, doutant d'elle-même, Magdalène ne put s'empêcher, gaie comme elle était par nature, de sourire aux extravagances effrontées que le capitaine Reig avait mises en avant pour plaider systématiquement la cause de l'escroquerie. Et dans le Yorkshire, la moisson est-elle pour le moment très opulente? Lui demanda-t-elle, cherchant, avec l'adresse particulière aux femmes, à le battre par ses propres armes. Touché, touché à fond, dit le capitaine, exhibant, commentaire en action de la remarque faite par Magdalène, les pans de sa jaquette de chasse usée jusqu'à la corde. Ici ou ailleurs, cher enfant, la moisson ne manque jamais. En revanche, un homme n'est pas toujours à même de la récolter à lui seul. Or, j'ai le regret de dire qu'une intelligente coopération me manque absolument ici. Je n'ai rien de commun avec les simples soldats de ma profession, vulgaires coquins qui vont chaque jour devant les gens de police et de magistrature, se faire convaincre du pire de tous les délits, à savoir une incurable stupidité dans l'exercice de ce beau métier. Tel que vous me voyez, je n'ai à compter que sur moi-même. Après des années où je me suis glorieusement suffi, je commence à m'apercevoir que la célébrité se paye. En revenant du Nord, je fais halte pour la troisième fois en cette intéressante cité. Je consulte mes livres comme de coutume, pour y chercher les indications relatives à l'expérience déjà faite de cette localité. Je trouve, sous la rubrique « Position personnelle à York », les initiales TBC, qui veulent dire « trop bien connu ». Je prends ensuite mon index pour me rendre compte de l'état des environs. Les mêmes remarques laconiques me sautent aux yeux. Leeds, TBC. Scarborough, TBC. Harrogate, TBC. Et ainsi de suite. Quelle est l'inévitable conséquence de cet examen? Je suspends ma marche ordinaire. Mes ressources peu à peu s'évaporent. Et ma belle parente me rencontre dans une des crises de ma carrière. Vos livres? Dit Magdalène, de quel livre parlez-vous donc? Vous allez voir, répondit le capitaine. Fiez-vous à moi ou non, comme vous voudrez, je vous accorde, moi, une confiance absolue. Vous allez voir. À ces mots, il passa dans la chambre du fond. En son absence, Magdalène, à la dérobée, jeta un autre regard du côté de Mrs. Reig. Celle-ci s'était-elle encore mise à l'abri du déluge de paroles que faisait pleuvoir son époux? Oui, certes, et pas une goutte ne l'avait atteinte. Amenant peu à peu son omelette imaginaire aux dernières périodes de sa fabrication, elle répétait maintenant cette manœuvre finale qui consiste à la retourner. La pomme de sa main lui servant à représenter le plat et le livre de cuisine jouant le rôle de la poêle à frire. « Je tiens mon affaire, » disait-elle, avec un petit signe de tête adressé à Magdalène. Vous commencez par mettre la poêle sur le plat, et vous les retournez ensuite l'un sur l'autre. Le capitaine Reig revint, apportant un beau pupitre noir orné d'une serrure en bronze doré. Il en retira 5 ou 6 petits livres, d'un embonpoint raisonnable, reliés en veau et parchemin, comme le sont les registres de commerce, et chacun avec son petit fermoir. Prenez-y bien garde, dit l'agriculteur moral. Je ne prétends pas par ceci me faire valoir. Il est dans ma nature d'être méthodique et je le suis. J'ai besoin de tout écrire, sans quoi je perdrai la tête. Voici ma bibliothèque commerciale. Livre journal, grand livre, livre de district, livre de correspondance, livre de remarques, et ainsi de suite. Ayez la bonté de jeter les yeux sur n'importe lequel de ces volumes. Je crois pouvoir me flatter que vous n'y trouverez, de la première page à la dernière, rien qui ressemble à un pâté, à une rature. Regardez un peu dans cette pièce. Y verrez-vous un siège qui ne soit rangé? Non, certes, à moins que je n'y ai pas pris garde. Arrêtez maintenant les yeux sur moi. Mes vêtements sont-ils poudreux? Suis-je négligé? Ma barbe est-elle à moitié faite? Bref, suis-je ou non un pauvre diable immaculé? Remarquez bien que je ne m'en attribue pas le mérite. C'est mon naturel, cher enfant, c'est mon naturel. Il ouvrit un des volumes. Magdalène ne pouvait apprécier l'admirable correction avec laquelle étaient tenus les comptes que renfermait ce cahier. Mais elle était à même de juger la netteté de l'écriture, la régularité des rangées de chiffres, l'exactitude mathématique des lignes tracées à l'encre rouge et à l'encre noire, enfin l'absence complète de la moindre tache, de la moindre rature. Bien que le sens inné de l'ordre fût chez le capitaine Raig, comme chez beaucoup d'autres, un instinct trop complètement machinal pour exercer aucune influence salutaire sur ses actions, encore en avait-il une très réelle sur ses habitudes, et ses escroqueries se trouvaient par là, ramenées à une méthode, à des systèmes tout aussi stricts que si elles eussent été les transactions commerciales d'un honnête homme. En apparence, n'est-il pas vrai, mon système peut sembler compliqué, poursuivit le capitaine. À tout prendre, pourtant, c'est la simplicité même. Je me borne à éviter les erreurs dans lesquelles tombent les agriculteurs vulgaires. Cela revient à dire que je ne cherche jamais à appeler directement l'intérêt sur mes malheurs, et que jamais je ne m'adresse aux gens riches, deux fatales méprises que commettent sans cesse les praticiens de second ordre. Les gens dont les moyens sont limités sont quelquefois sujets, en matière d'argent, à des impulsions généreuses. Mais les gens riches, jamais. Mylord, qui touche 1 million par an, Sir John, qui a des domaines dans 5 ou 6 comtés, voilà ceux qui ne sauraient pardonner aux mendiants bien-nés de leur escamoter une guinée. Voilà ceux qui envoient chercher les officiers de police chargés de réprimer le vagabondage. Voilà ceux qui ont soin de leur argent. Qui, voyez-vous donc, égarer par pure étourderie des shillings et des pièces de 6 pence? Des domestiques et des petits commis, pour lesquels shilling et 6 pence sont d'une grande importance. Vous a-t-on jamais compté que Rothschild ou Baring eussent laissé tomber une pièce de 4 sous dans leur ruisseau? 4 sous dans la poche de Rothschild sont plus en sûreté que dans celle de cette femme que vous entendez présentement crier, le long de Skeldergate, des crevettes de seconde fraîcheur. Fort de ces principes solides, éclairé par les trésors de renseignements écrits que renferme ma bibliothèque commerciale, j'ai, depuis des années, exploré les diverses couches de la population et recueilli, avec le succès le plus encourageant, mes moissons de charité. Regardez, dans le registre numéro 1, la carte de tous mes districts avec l'indication pour chacun d'eux du sentiment public prédominant auquel on peut faire appel. District militaire, district clérical, district agricole, etc., etc. Regardez ensuite, dans le numéro 2, les malheurs divers que j'invoque. Famille d'un officier tué à Waterloo. Femme d'un pauvre vicaire que l'affaiblissement de ses nerfs met hors de service. Veuve d'un infortuné nourrisseur qu'un taureau furieux a percé de ses cornes, etc., etc. Ici, dans le numéro 3, sont les gens qui ont entendu parler de la famille de l'officier, de la femme du vicaire, de la veuve du nourrisseur, et les gens, au contraire, pour qui ces histoires seraient nouvelles. Ceux qui ont donné, ceux qui ont refusé, ceux qu'on peut essayer encore, ceux qui ont besoin pour les ranimer d'une nouvelle catastrophe, ceux dont on doit douter, ceux auxquels il faut prendre garde, etc. Ailleurs, dans le numéro 4, les attestations manuscrites, et plus ou moins autographes, que les personnages publics ont accordées à mon mérite et à mon intégrité. Les récits déchirants que j'ai consacrés à la famille de l'officier, à la femme du vicaire et à la veuve du nourrisseur. Tous tachés de larmes, et l'écriture pourtant les traces d'une évidente émotion, etc., etc. Plus loin, dans les numéros 5 et 6, se trouvent mentionnées mes souscriptions personnelles à telle ou telle œuvre de charité locale. Souscriptions bien réellement payées dans les districts les plus rémunérateurs, en vertu de ce principe qu'il faut quelquefois risquer une sardine pour prendre un hareng. De plus, mon journal quotidien, mes réflexions et remarques personnelles, le compte que je me rends des obstacles que je rencontre, comme par exemple de me trouver TBC dans cette ville intéressante, mes allées et venues, mes observations météorologiques et politiques, les fluctuations de ma santé, les fluctuations de la tête de Mrs. Reig, les fluctuations de nos ressources et de nos repas, de nos paiements, de nos perspectives, de nos principes, etc., etc. Voilà, cher enfant, ce qui fait aller le moulin de l'escroc. Et désormais, vous me voyez exactement comme je suis. Vous saviez d'avance, quand nous nous sommes rencontrés, que je vivais d'industrie. Eh bien, vous ai-je ou non prouvé maintenant que j'ai en effet une industrie dont on peut vivre ? Je suis certaine que vous vous êtes pleinement rendu justice, répondit tranquillement Magdalen. Je ne suis pas le moins du monde fatigué, continua le capitaine, et s'il en était besoin, je continuerai ainsi tout le reste de la soirée. Mais, puisque je me suis rendu pleine justice, peut-être vaut-il mieux laisser le demeurant de mon caractère se mettre en relief dans les occasions qui ne peuvent manquer de se présenter. Pour le moment, je cesse d'attirer l'attention sur moi. Reig sort de scène. Et parlons d'affaires. Permettez-moi de vous demander quel effet j'ai produit sur vous. Croyez-vous encore que le drôle qui vous a confié tous ces secrets soit un drôle enclin à tirer d'une belle parente quelque avantage déloyal ? Je ne répondrai pas immédiatement à cette question, dit Magdalen. Quand je suis descendu pour prendre le thé, vous m'avez dit que vous faisiez travailler toutes vos facultés à mon profit. Pourrais-je savoir comment ? Certes, dit le capitaine Reig, vous aurez le produit net de toutes ces opérations mentales. Elles embrassent les démarches présentes et futures, tant de vos inconsolables amis que des gens de loi qui les aident à vous découvrir. Selon toute probabilité, leurs démarches actuelles prennent la forme suivante. Le clerc de l'avocat a perdu vos traces chez Mr. Huxtable, et à l'heure qu'il est, après s'être soigneusement quitté de vous dans tous les hôtels, il a également renoncé à vous y relancer. Il n'a plus qu'une chance, c'est que vous envoyez quérir votre mal au chemin de fer. Mais vous ne commettrez pas cette maladresse. Et voilà notre clerc qui se trouve pour ce soir, grâce au capitaine Reig et à Rosemary Lane, complètement dépisté. Il ne manquera pas d'en informer aussitôt à Londres les gens dont il est le mandataire. Et ceux-ci, ne vous alarmez pas, demanderont assistance à la police municipale. En faisant la part des délais inévitables, un espion attitré, pourvu de toutes ses ressources et muni de ses affiches qui peuvent l'aider à constater secrètement votre identité, doit arriver ici après-demain au plus tard, et il est possible qu'il arrive plus tôt. Si vous demeurez à York, si vous essayez d'entrer en communication avec Mr. Huxtable, cet espion ne peut manquer de vous découvrir, si au contraire, vous quittez la ville avant son arrivée. Et cela, naturellement, sans vous servir du chemin de fer. Vous le jetez exactement dans le même embarras où est maintenant notre clerc. Vous le mettez au défi de retrouver votre piste. Voilà comment je résume votre situation présente. Que pensez-vous de cet exposé ? Je lui trouve un défaut, dit Magdalen. Il n'aboutit positivement à rien. Pardon ? Répliqua le capitaine. Il aboutit à un arrangement qui vous permettra de quitter York saine et sauve. Il aboutit à un plan qui réalisera tous vos vœux relativement à la carrière théâtrale que vous voulez suivre. L'un et l'autre, tiré des ressources de ma vieille expérience. L'un et l'autre, n'attendant qu'un mot de vous pour déborder, dans leurs plus menus détails, de ma cervelle féconde. Je crois savoir quel est ce mot, répondit Magdalen, qui le regardait attentivement. Charmé de tant de pénétration. Vous n'avez qu'à dire, capitaine Reig, chargez-vous de moi, et mes plans tout aussitôt vous seront soumis. Je demande une nuit pour réfléchir à votre proposition, dit-elle après avoir songé quelques instants. Vous aurez demain matin ma réponse. Le capitaine Reig parut un peu désappointé. Il ne s'était pas attendu à ce qu'on opposerait avec tant de sang-froid à la réserve qu'il venait de faire, une réserve exactement équivalente. Mais pourquoi ne pas vous décider tout de suite ? Lui dit-il sur le ton de la remontrance la plus persuasive. Vous n'avez qu'à considérer. J'ai plus à considérer que vous ne croyez, répondit-elle. outre le but que vous me connaissez, j'en ai un autre encore. » Puis-je demander ? « Pardon, capitaine Raig, vous ne pouvez pas demander. Laissez-moi vous remercier de votre accueil hospitalier et vous souhaiter le bonsoir. Je suis fatigué, j'ai besoin de sommeil. » Le capitaine, toujours sage, se plia au désir de sa belle parente avec le sang-froid empressé d'un homme rompu aux usages du monde. « Fatigué, c'est vrai, » disait-il du ton le plus sympathique. « Il est impardonnable à moi de n'y avoir pas songé plus tôt. Nous reprendrons demain notre conversation. Souffrez que je vous donne un flambeau. Mrs. Raig ?» Accablée par ses efforts d'intelligence, Mrs. Raig ne poursuivait plus que dans ses rêves la confection de sa fameuse omelette. Sa tête penchait d'un côté, son corps de l'autre. Un doux ronflement lui échappait. De temps en temps, une de ses mains, soulevée en l'air, agitait une poêle chimérique et retombait avec un faible choc sur le livre de cuisine étalé en son giron. Au bruit de la voix conjugale, elle se dressa debout en sursaut et l'intelligence encore endormie, mais les yeux tout grands ouverts, elle faisait face au capitaine. « Donnez vos soins à Miss Vanstone, » lui disait-il, « et la première fois que vous vous endormirez dans votre fauteuil, tâchez de rester bien droite. Ne me contrariez pas en vous endormant tout de travers. » Mrs. Raig ouvrit des yeux un peu plus hagards et regarda Magdalene avec un irrémédiable ébahissement. « Est-ce que le capitaine déjeune à la chandelle ?» demanda-t-elle avec douceur. « Et se pourra-t-il bien que je n'eusse pas fait l'omelette ?» Mais avant que la voix de son mari eût pu lui appliquer encore un stimulant correctif, Magdalene, émue de compassion, la prit par le bras et la conduisit dans sa chambre. « Outre le but que je lui connais, elle en a un autre, » répéta le capitaine Raig quand il fut resté seul avec lui-même. « Y aurait-il donc, en somme, quelques gentlemen à l'arrière-plan ? Se brassent-ils dans les ténèbres, quelques complications sur lesquelles je n'ai pas compté ?